18, chapitre 1er. Un aperçu des tunnels mentaux. Le mental est constitué de réseaux infinis de communication, traitant les pensées conscientes et inconscientes qui émanent de multiples centres irradiants. Ces points se situent entre les hautes et les basses dimensions d'intelligence de l'être, évoluant en forme immatérielle au sein des univers parallèles. Le mental accomplit une fonction créative qui consiste à assurer le développement évolutif à long terme d'une fusion permanente ou d'un lien entre divers niveaux de conscience interdépendants. Le mental est aussi un processus, quoique inconscient pour la plus grande part de l'humanité, à travers lequel divers mondes intelligents interagissent avec le cerveau humain. Il engendre un réseau d'énergie vibratoire ou de pensée, ce que l'ego inconscient perçoit en tant qu'intelligence personnelle et subjective qui se voit qualifiée d'intellect. La dynamique du processus de la pensée doit être parfaitement comprise afin que soit exposée l'apparence subjective de la réalité du moi. Privé de ce savoir, le mental demeure un mystère et la nature de sa conscience une énigme. Le mental est, à l'origine, un gouvernement de la pensée issu de dimensions immatérielles, et se manifeste à travers l'activité évolutive d'intelligences hiérarchiques immatérielles, dont la fonction est dictée par la nécessité cosmique de perfectionner les formes inférieures d'intelligence, du niveau matériel au niveau astral puis éthérique, en d'autres termes, du corps physique jusqu'à l'âme et enfin au mental pur ou à l'esprit. Le principe fondamental sous-tendant ce processus est celui de l'élimination, au cours de longs cycles d'évolution, des formes inférieures de l'énergie de la pensée, afin d'accroître et de perfectionner le développement de la conscience. Le mental se développe au gré de la pensée ascendante qui, depuis son point d'origine, poursuit un cheminement créatif dont l'objet ultime est l'universalisation de tous les êtres sensitifs. Contrairement à sa représentation mystico-folklorique, le mental n'est guère un labyrinthe mais plutôt un tunnel temporel par lequel se meut la pensée. Il est un continuum magnétique reliant le cerveau au point d'origine de la pensée, au sein de dimensions qui se dissocièrent de l'univers physique nucléaire lorsque l'espace entama son expansion aux dépens de la lumière. Sa configuration de tunnel repose sur les lois énergétiques de réseau de communication de la pensée qui constituent l'environnement fondamental de force agissant dans l'univers. Le mental est non seulement l'activité de courant de pensée mais bien le médium par lequel ces forces se meuvent dans les éthers du mental, comparable à des dimensions spatiales au sein desquelles des intelligences désincarnées, parfaites de par leurs fonctions et puissances évolutives et expansives, animent les véhicules densifiés de l'existence physique en évolution dans l'univers physique. L'impasse qu'implique la compréhension du mental et de sa nature fondamentale réside dans les contradictions internes de l'âme. Cette dernière, en vertu du conditionnement historique mémoriel, entrave l'exploration libre des hautes dimensions qui, à elles seules, peuvent faire la lumière, en termes objectifs, sur tous les aspects de la nature cachée du mental. La question portant sur l'existence de l'âme cessa alors d'être une préoccupation purement académique ou spéculative, dès lors que sa réalité objective a été soumise à l'étude, établie et expliquée par le pouvoir révélateur du mental en puissance, et libre du conditionnement historique des idées et concepts. L'âme voile le processus de la pensée. Son pouvoir mémoriel et associatif doit être écarté et l'influence qu'elle exerce sur le mental rompu, afin que se réalise le plein développement de la conscience. Si l'âme contient les mémoires de la vie et de la mort, seul le dépassement de cette mémoire animique subjective, copie conforme de la personnalité, peut mener à la conscience supramentale du mental. Nul ne peut saisir la nature de l'âme sans comprendre la nature de la mort ou du plan astral. En outre, nul ne peut étudier et comprendre la mort en l'absence d'une communication libre avec les plans mentaux supérieurs d'où émane l'intelligence, et libre de la mémoire animique. L'âme est un pont psychique reliant le cerveau physique au mental pur. En tant que champ énergétique indissociable, elle conditionne le passage ou l'entrée de formes pensées supérieures dans le tunnel mental. Sa fonction mémorielle inconsciente représente une quantité infinie d'informations sauvegardées ou d'empreintes accumulées au cours de longs cycles d'évolution expérimentale. Assurant le développement de la conscience égoïque grâce à la capacité associative qu'elle génère dans le mental personnalisé ou intellectuel, elle entrave le lien à la fois libre et créatif ou supramental avec une source de pensée non colorée par la mémoire expérientielle astrale. À la mort, l'énergie animique ou le corps astral retourne à un plan parallèle par le tunnel mental. Atteignant progressivement le plan astral de la configuration psychique du mental, elle emprunte un statut vital correspondant à la somme mémorielle de son expérience matérielle. Nous ne conservons qu'un souvenir du tunnel mental, en raison du facteur limitatif de la réalité dimensionnelle matérielle. Mais les voyages psychiques ou le retour aux origines immatérielles par la voie de la configuration mentale, cristallisent la mémoire terrestre ou la matière pensée imparfaite qui compose la personnalité inconsciente. Le mental a longtemps été considéré comme un labyrinthe, en raison de notre inhabilité intrinsèque à communiquer avec la source de sa structure infiniment complexe. L'activité mentale inconsciente et la manipulation astrale de notre matière psychique s'enchevêtrent à un point tel que nous avons peu, voire aucune idée de l'étendue de son territoire. Par conséquent, le mental paraît-il un labyrinthe inextricable plutôt qu'une simple voie menant à l'origine de l'identité propre. Le tunnel mental relie le cerveau à toutes les dimensions concevables d'intelligence. Une fois libre de la pollution de la pensée et du conditionnement culturel, l'énergie mentale peut circuler afin de sonder tous les aspects de la réalité supraliminaire. La pensée devient plus créative et révélatrice, selon la liberté accrue du mental. La pollution de la pensée a pour effet d'amortir les pulsions créatives circulant dans le cerveau, dont la contrepartie psychique est programmée d'une charge d'énergie émotionnelle négative nourrie par l'expérience inconsciente de l'âme. Elle isole la conscience et la soumet à un mode aveuglant et réfractaire qui obstrue le développement global du mental. Ceci cause une perte sans équivoque d'énergie mentale, d'où le processus évolutif long et ardu vers l'intégration de la pensée créative. L'intelligence pulse à travers le mental depuis des mondes de lumière, par-delà l'univers matériel. De ses origines psychiques émane la création de la pensée et les champs de force architecturaux, responsables du développement et du perfectionnement du tunnel mental. Les intelligences évoluant au sein de ces systèmes devinent guère besoin d'un corps physique planétaire pour parfaire leur évolution. Si leurs dimensions temporelles correspondent à nos mondes spatiaux, leur matière élémentaire ne porte aucune ressemblance avec la matière atomique telle que nous la connaissons à ce stade de notre évolution scientifique. Leurs mondes sont cosmiques et n'appartiennent pas au champ spatial atomique. Ils sont absolument libres des champs de force plus densifiés, associés à la gravité de notre médium interplanétaire. Ils collaborent à tous les aspects du développement mental et contribuent à l'ordonnance de l'évolution de la matière, afin qu'elle puisse répondre aux besoins de l'appareil physique du cerveau, qui est en mesure de recevoir les pulsions créatives de la pensée. À l'origine, la pensée émane de divers niveaux de réalité psychique. Par conséquent, l'homme fait l'expérience de divers niveaux de pensée psychique, ce qui est cause de discorde. Lorsque la pensée est transmise entre diverses cultures, la difficulté s'accroît en vertu d'expériences mentales variées qui se distinguent non seulement en termes d'expériences sociales mais aussi en termes de développement interne. Ce n'est qu'au terme d'un long processus d'évolution personnelle, culturelle et sociale que la polarisation de la pensée peut être neutralisée. Ce qui confère à la pensée son interdimensionnalité ascendante n'est guère la croyance qu'inspire son impression, ou son semblant de vérité, mais bien la qualité de l'espace psychique dans lequel elle circule. Se subtilisant avec le temps, elle objective la réalité et universalise le savoir, alors qu'elle évolue au-delà de formes ayant été neutralisées à travers l'évolution mentale et le développement créatif. Les formes pensées non créatives polluent une grande part de l'espace mental, au cours de l'expérience inconsciente de la vie, lui imposant des limites psychologiques artificielles. Lorsque la pensée nouvelle et révélatrice circule dans le mental, elle se heurte à la forte opposition de formes pensées de basse énergie. Le développement supérieur élimine cette pollution, ce qui rend le mental réceptif à la pénétration d'une activité créative. Le mental est bien plus que la résonance de la pensée subjective. Il favorise un potentiel interne de communication avec des niveaux du mental d'où émane la pensée parfaite et non polluée. Le mental est un passage par lequel voyage, dans un mouvement infini, une énergie de la pensée qui fracture les formes, depuis les hautes jusqu'aux basses dimensions, s'ajustant de lui-même et confirmant sans cesse de nouvelles facettes de la réalité. Et libre des limites du passé, il entrave la formation d'un cadre référentiel perpétuel, alignant et porté vers soi. Toute étroitesse d'esprit se voit graduellement éliminée, au fur et à mesure que le développement interne, ou l'ouverture de centres psychiques supérieurs non pollués par la mémoire de la race remplace cette déficience. L'émergence du mental objectif, au-delà de la subjectivité, requiert une vie mentale dictée de l'intérieur, vécue dans le respect de la mémoire des races mais demeurant à jamais libre de celle-ci. Plus la science du mental est concrète et objective, Plus le savoir qui en émane va en s'individualisant, puisqu'une source de référence permanente et objective se développe à travers la communication télépathique agissant au-dessus et au-delà de la pensée réfléchie. La faculté de communiquer au-delà de l'astral ou du plan mémoriel du tunnel se développe, lorsque les réponses obtenues cessent d'être colorées par l'âme, menant l'homme graduellement vers des territoires plus hermétiques. L'éveil de la pensée consciente engendre la certitude interne et l'expérience psychique avec des circuits de pure intelligence. Une relation plus mentale se développe alors, menant à un lien concret avec des niveaux de pensée prépersonnelle, nature ultime de l'activité supramentale. La communication prépersonnelle focalise la pensée supramentale. Cette dernière crée un profil psychique qui apparaît clairement au-delà de toute coloration subjective ou astrale pouvant être associée aux opinions égoïstes. Le contact télépathique avec les niveaux d'intelligence prépersonnelle peut alors être identifié comme point d'origine de la pensée humaine, ou de la conscience. Ceci rend possible la pénétration objective des mondes du mental, en vue d'entamer la saisie de la nature voilée du processus de la pensée. Alors cesse la suggestion inconsciente au processus de la pensée qui posa, de tout temps, le jalon de notre civilisation. C'est alors que l'on franchit le seuil de l'identité fondamentale. La communication prépersonnelle constitue le dernier et le plus menaçant secours antipsychique pour l'ego qui soit exigé par le mental, visant l'évolution future de l'intelligence humaine. Les structures psychologiques subjectives conditionnées par la mémoire sensorielle ne peuvent facilement accepter une conscience liée à un univers multidimensionnel. L'être éprouve une tendance naturelle à se concevoir comme faisant partie d'une humanité évoluant seule sur une planète. La science entreprendra sous peu l'étude d'aspects de l'univers qui transformeront profondément la compréhension matérielle actuelle du monde physique. Or, ceci ne fera qu'effleurer la surface, jusqu'à ce que l'étude soit faite à partir d'un canal mental, au-delà des limites de l'intellect. La communication avec la pensée consciente supérieure prépersonnifie le processus de la pensée. La constatation de son origine psychique indépendante crée chez le sujet la perception de n'être plus seul dans le monde du mental. Nous sommes enclins à concevoir la réalité qu'en termes physiques seuls. Nous avons peine à réaliser objectivement ce que la science tente de prouver, à savoir que l'énergie peut être matérialisée et la matière dématérialisée et qu'il n'est que naturel que la communication avec d'autres plans de pensée soit prépersonnelle, alors que les confins de la personnalité se voient temporairement repoussés au moment où la pensée supramentale se manifeste sans entrave psychologique. Lorsque nos illusions, portant sur la nature fondamentale de la conscience ont été éliminées, le mental devient alors un réseau de pensées prépersonnelles en pulsion. On ne peut accéder à l'infini et à la fois demeurer confiné à une structure psychologique appartenant au passé. La pensée inconsciente doit être identifiée comme faisant partie de la conscience subjective, et non pas du mental créatif lui-même. La pensée est une forme magnétique d'énergie qui tournoie vers le bas par la voie du tunnel mental, traversant un champ fort et radiant d'espace négatif qui se déplace à travers le temps et qui se colore au cours de sa traversée, alors qu'elle pénètre le champ mémoriel de l'âme. Elle voyage depuis des dimensions situées au-delà de l'espace physique, sa pulsion énergétique originelle perdant de son impact vibratoire lors de son passage par le tunnel mental. La pensée se pare graduellement de « vérité » plutôt que de demeurer une perception objective, sous forme d'énergie pure et créative. Le corps astral, ou l'âme, est un champ magnétique qui attire des pensées d'ordre animique qui libèrent leur énergie dans le réseau des cellules cérébrales, leur terminal physique, suite à leur traversée instantanée du vide du tunnel mental. La conscience est en plein essor. Or, sa réalité nous échappe. Nous éprouvons la proximité de la conscience, alors que l'essence même de notre mental demeure insaisissable. Mais, dès lors que sa nature vivante et fondamentale a été saisie, la pensée pénètre le centre de l'âme depuis sa source, produisant dans le cerveau des impressions ne colorant désormais plus la réalité du savoir supramental dès son entrée dans la psyché. Dès lors que l'âme perfectionne sa nature par le fait de se libérer de la mémoire subjective qui atténue sa lumière, la pensée cesse d'être affectée par son champ énergétique, précédemment pollué. La conscience demeure stable et permanente pour la durée de l'expérience matérielle, et au-delà de celle-ci. Le mental est le canal qui permet l'expression d'une conscience unifiée au sein de la psyché. Il participe d'un vaste réseau de communication, à tous les niveaux d'intelligence universelle. La conscience matérielle n'est que le produit final de ce processus cosmique infini. Un accès élargi au mental mène à la compréhension des forces à l'œuvre dans l'univers, au sens large. Les facteurs reliant le mental à la dimension matérielle de l'expérience planétaire, par le biais de l'ego inconscient, ne sont qu'une fonction limitée et infime, quoique importante soit. La vie matérielle sert de source d'expérience pour l'âme qui domine le moi. Une fois cette condition subjective dépassée, le moi devient alors l'expression d'un mental conscient, ayant cessé de contribuer aux illusions égocentriques de la pensée subjective. Chapitre 2. L'intelligence supérieure. L'éveil de la cognition prépersonnelle accroît la reconnaissance consciente de l'activité de l'intelligence supramentale. Il en est ainsi dès lors que le principe cosmique et son lien, par la voie du canal mental, se manifestent à l'ego. Si ce fait ne peut être compris en termes intellectuels, il se révèle évident à la psyché, lorsque le mental s'ouvre au moi en éveil de conscience. Les mystères sont absolument inconcevables sans l'accès à des niveaux précognitifs d'intelligence, à l'aide de ce lien psychique. Le mental est un réseau de communication qui se développe au cours de l'évolution des corps biologiques, astral et éthérique, et qui délimite la conscience humaine au sein d'une réalité plus ou moins unifiée. Il convient à la magnitude de sa nature d'imprégner des lignes de force sur ses corps en évolution, afin de définir des conditions de développement appropriées aux diverses étapes d'évolution vitale, au cours de cycles intemporels. Si ce n'était de l'énergie mentale prépersonnelle, la réalité de l'être et son évolution vers la plénitude de sa conscience serait impossible. L'intelligence interdimensionnelle doit nous être accessible afin que nous comprenions l'origine de la pensée. Pour concevoir la nature de la conscience, il ne suffit pas que l'intelligence soit vécue psychologiquement, mais aussi psychiquement, c'est-à-dire au-delà de notre conception intellectuelle et mémorielle subjective. Nous devons atteindre une communication objective avec les niveaux prépersonnels du mental. À partir de leur centre créatif, la pensée inconditionnée entraîne dans son sillage un survol transhistorique. Les cadres référentiels subjectifs s'élargissent alors en vue d'accroître la lucidité, propulsant ainsi la conscience vers la révélation de la connaissance supramentale. Alors que se développe l'acuité supramentale, le mental entre dans un processus d'interface permanent et instantané avec l'intelligence objective qui s'apparente au principe supérieur du moi. La présence interne de ce dernier s'unit à l'ego, révélant la source de la pensée. Il ajuste le cours de la pensée, depuis le supramental vers les plans mentaux inférieurs, puis vers le bas par le tunnel mental qui relie l'intelligence interdimensionnelle à l'appareil psychique humain qui sous-tend l'activité électromagnétique du cerveau physique. Le développement interne et la communication se distinguent graduellement des assises institutionnelles de la connaissance, et le mental peut alors traiter de l'information précédemment inaccessible, annonçant l'aube de l'évolution supramentale individualisée. La transformation psychique qui s'ensuit ouvre la voie à des formes pensées nouvelles et non réfléchies, qui véhicule des données si fondamentales à altérer les présupposés essentiels portant sur la réalité. La lucidité interne augmente et la nature prépersonnelle du mental devient une force motrice en soi. Agissant derrière l'écran de l'intellect humain ou de l'intelligence mécanique, le pouvoir d'engendrer la pensée se voit libéré de l'emprise d'opinions subjectives, dès lors que le mental ouvre l'accès à une source transformatrice et révolutionnaire d'informations, par le biais de son lien avec le cerveau. Nous attribuons à tort la source des idées personnelles au mental, tandis que le mental est, de fait, l'expression subliminale de messages télépathiques inconscients et personnellement autocodifiés, dont aucune des origines, soit astrale et subjective ou mentale et créative, n'a été identifiée selon les approches psychologiques normatives. Lorsque s'individualise la conscience et que son principe créatif est activé par un processus de pensée plus libre, une expérience évolutive plus avancée se réalise alors par le développement de la lucidité psychique. Dès lors, l'évolution n'est plus possible suivant l'hypothèse selon laquelle la pensée est purement et simplement un phénomène personnel. Des structures mentales évolutionnaires imprègnent alors le tissu mental, menant à la réalisation que la pensée résulte d'une communication subtile entre des niveaux interdimensionnels d'activité intelligente. Tandis que le mental ouvert canalise son énergie créative vers la psyché, l'être tout entier se voit transformé par des pensées profondes et déconcertantes. Ce nouveau développement de la pensée transhistorique cesse de dépendre des prémices de la connaissance rationnelle. Dès lors, la pensée libre est accessible à l'homme, dans un sens absolu et objectif. Alors que le mental s'étend, les attitudes rigides et naïves du passé s'effondrent sous l'impact d'une pensée qui défie les opinions égocentriques. En vertu du doute, le mental émotionnel subjectif résiste, au préalable, et questionne la réalité objective de cette prise de conscience nouvelle, ayant été conditionné à penser et à ressentir de telle sorte que le plein développement de la connaissance en est entravé. Le mental ne peut s'en imprégner pleinement sans d'abord transformer les présomptions psychologiques élémentaires qui affaiblissent son fondement psychique. De nouvelles forces évolutives refaçonnent la mentalité humaine. La liberté mentale créative, qui se distingue fortement de la recherche spirituelle contemporaine, couronne l'expérience de la pensée consciente. Elle révèle qu'un mental global nous relie à des forces psychiques personnifiées par des hiérarchies cosmiques, dont la fonction créatrice à travers l'univers est la matrice organisationnelle d'un plan évolutionnaire cosmopolitique inaccessible par la simple logique. Le mental n'est guère une simple expérience personnelle mais un réseau de communication où se produit la télépathie entre des mondes dont l'existence est inconnue à la science humaine. Cet ordre infini est habité par des êtres immatériels dont la fonction évolutive varie selon leur statut au sein du réseau de la dimension mentale. Le mental est le médium et le lien reliant tous les niveaux d'intelligence, sa réceptivité variant selon le degré de liberté dont jouit sa conscience interne. Dans l'univers, la communication est le principe le plus fondamental et actif. Ceci est valable à tous les niveaux, des plus hautes sphères aux plus basses, que l'on en soit conscient ou non. Le fait que des intelligences immatérielles veillent à l'évolution et qu'elles puissent interagir avec ces ordres mineurs est puni à l'ego centré sur lui-même et psychiquement sous-développé, ceci tenant, en partie, à son flagrant orgueil intellectuel et à son étroitesse d'esprit. L'ultime implication de la volonté dans l'expérience humaine est l'immersion totale de la conscience dans la communication universelle, activité mentale opérant au-delà de l'intellect purement formel. Le mental est le seuil de la conscience humaine. Lorsqu'il est vécu à travers un canal mental ouvert, une pleine lucidité devient alors accessible dans le monde matériel. Son mystère est l'indice d'une ignorance planétaire, malgré le degré de sophistication du développement intellectuel moderne. Le mental est un champ de combat évolutif pour la domination ou la liberté de son territoire psychique, qui subit un assaut constant à travers le processus de la pensée inconsciente. Nous vivons l'illusion que nous engendrons la pensée. En fait, elle est constamment colorée et personnalisée par de subtiles influences psychiques qui limitent l'accès à notre réelle identité. Elle est assujettie à la manipulation de forces tirant bénéfice de nos divagations psychologiques portant sur le libre arbitre inconscient. L'univers est une réalité composite. Il est habité d'intelligences matérielles et immatérielles. La condition existentielle avancée de ces dernières éprouverait l'imagination des non-initiés. Éveillé à la présence de forces agissant au-delà du système planétaire de la Terre et de ses dimensions matérielles, le mental dégage et sert de pont entre les mondes, selon qu'il a pleinement et inconditionnellement réalisé que le processus inconscient de la pensée est le voile fondamental de la conscience expérientielle planétaire. L'insécurité intellectuelle de l'égocentrisme est d'une telle ampleur à rendre impossible la croissance d'une race vers une réelle connaissance, jusqu'à ce que ses membres individuels se soient libérés eux-mêmes du conditionnement culturel de la mémoire et de l'expérience mécanique. La Terre est une école servant à l'évolution de l'âme et à l'éventuelle intégration des forces mentales. Elle constitue un corps planétaire où les âmes incarnées apprennent progressivement les lois de la vie, de la mort et de l'immortalité, au gré d'une conscience qui va croissant, au-delà de la pensée expérimentale subjective. Le moment venu, l'individualisation se produit alors que le mental cesse de se contenter des valeurs avilissantes dont on nourrit les masses. C'est à ce point crucial que la connaissance doit être vécue de manière individuelle, laissant derrière elle les habitudes égocentriques développées par l'alliance psychologique avec une civilisation dont la science ou les religions ne disposent pas de réponse aux questions cosmiques fondamentales. Ce n'est qu'alors que les mystères peuvent être explorés librement et expliqués. Le mental relie des mondes parallèles qui se distinguent par leur nature et par leur expérience. Au cours de son développement, il en vient à dépasser le caractère immédiat de ses facettes intellectuelles. Il peut atteindre ce que l'intellect se croit en mesure d'atteindre. L'intellect ne peut comprendre l'absolu au-delà de la spéculation astralisée, c'est-à-dire conditionnée par la mémoire, de la religion ou de la philosophie. Le mental a l'aptitude à communiquer avec des mondes parallèles où la pensée est essence. Il constitue non seulement une source de pensée mais aussi la source de sa compréhension. L'intellect, d'autre part, ne peut saisir la pensée car il ne peut se libérer de son système subjectif de valeurs. Tandis que le mental a la capacité de se dissocier de valeurs de pensée pouvant déprécier son essence et l'en détourner, l'intellect, pour sa part, ne peut que fonctionner selon des idées rattachées à des valeurs qui en font partie et qui le caractérisent. La différence fondamentale entre l'intellect et le mental pur réside dans le fait que ce dernier a la capacité de faire de la pensée un outil destiné à la compréhension de l'essence de la conscience, existant en relation absolue entre les mondes parallèles du spectre invisible et le nôtre. L'intelligence interdimensionnelle constitue le rapport entre l'ego pensant et le moi communicant, son niveau de conscience supérieur. Bien que nous réfléchissions l'énergie de la pensée pure, nous ne pouvons la recevoir sous une forme libre de la mémoire et de ses émotions. Cette limite nous incite constamment à poursuivre des valeurs de pensée investies selon le pouvoir organisationnel de l'intellect. Ce dernier sert de réflecteur et sa mémoire à archiver la pensée, alors que le mental dispense son énergie créative. Les illusions apprivoisées doivent être éliminées afin que le mental puisse canaliser un courant de pensée libre, depuis des mondes n'étant pas reliés à l'expérience humaine. Ceci explique la difficulté que nous éprouvons à exprimer ce qui réside au-delà de la matière dense de la pensée subjective. L'intelligence supramentale transmet des notions qui projettent le mental au-delà de ses catégories intellectuelles. Elle jouit de son association consciente avec le moi prépersonnel, dont la réalisation stimule nos facultés psychiques endormies ainsi que notre aptitude à accéder à ce qui, pour l'intellect, relève de l'inconcevable. Le mental peut éclairer depuis l'au-delà des limites matérielles sensorielles. Il accroît nos perceptions en facilitant notre capacité de traiter des données intangibles qui élargissent notre champ de conscience quant à tous les plans de la réalité. Il peut véhiculer de l'information qui altère la notion même d'être. Le mental ordonne le niveau de la pensée et non le contraire. Nous pouvons absorber et vivre avec de l'information inconditionnée selon notre aptitude à traiter, en termes émotifs, avec la présence intelligente d'autres réalités dimensionnelles, fluent et refluent à travers notre champ de perception. La faille intrinsèque de l'intellect est sa réticence à soutenir ou confirmer les lignes de force intuitives qui sauraient ajouter un sens créatif à une structure mentale desséchée et mécanique. Ne vivre qu'en fonction de la seule mémoire impliquerait la perte de contact avec la réalité. Il est propice que la vie et la conscience se transforment constamment, nous incitant ainsi à nous adapter à des formes pensées plus objectives. Ce processus évolutif est non seulement confiné à nos aspects psychiques mais il fait aussi partie de tout le processus évolutif de la vie sur Terre. Les dynamiques de changement sont moins apparentes au niveau matériel, en raison d'un facteur temporel plus ample. Au niveau psychique elles sont plus manifestes, puisque le mental interagit constamment avec nous afin d'assurer un niveau de perception plus avancé. L'univers est constitué selon des lignes de force qui divisent des réalités séparées, ce qui est propice au développement graduel de la conscience ascendante qui en dépend. Les divers plans sont accessibles à l'enquête humaine grâce aux mécanismes internes du mental, qui reflètent le taux de sa croissance dynamique et de son évolution. Nous demeurons inconscients de son pouvoir interne de révéler l'effet d'un univers multidimensionnel. Jusqu'à ce que nous ayons atteint une lucidité consciente pouvant traiter avec les forces intangibles qui façonnent le destin, nous ne pourrons progresser et établir un lien éclairé avec la vie intelligente, au-delà de notre forme physique. Nos sens atténués entravent le cours plus subtil d'informations qui affluent sans cesse d'un univers parallèle. Cette condition nous contraint à concentrer notre attention sur le physique, avant même que soit perçue une pensée requérant un état mental perfectionné, dans lequel le pouvoir qu'ont les forces astrales de subjectiver la conscience se voit amoindri. Le mental transcende les perceptions sensorielles et peut aisément expliquer les mondes suprasensibles à travers son échange avec la réalité globale. Franchissant le seuil de la connaissance intellectuelle, il prédispose l'ego à une communication télépathique objective, ce qui favorise la compréhension des sphères invisibles. Il clarifie et approfondit la notion du libre arbitre, l'élevant à une compréhension plus fondamentale de la liberté, dans le contexte de sa réalité psychologique et psychique. Tandis qu'il canalise une pensée indiquant nettement la coexistence de la connaissance rationnelle et suprarationnelle. Ils permettent une croissance allant au-delà d'un état mental subjectif et opiniâtre, vers une structure mentale plus ample. L'intelligence supramentale est une qualité de la pensée consciente, psychiquement et dimensionnellement latente dans le processus de pensée de l'ego. Étant donné qu'il n'est pas dans la nature de l'ego de faire l'expérience d'une pensée consciente correspondant à des niveaux de réalité qui transcendent ses propres limites psychiques ou ses opinions, il ne peut s'ouvrir à des niveaux d'intelligence qui dans un tel cas mèneraient à la compréhension de son propre mystère. La pensée supramentale est ce qui relie l'homme à l'univers psychique du mental. Elle accroît la réalité interne du moi, et sa portée multidimensionnelle ne peut être intégrée que suite à l'atteinte de la liberté par rapport aux conventions égoïques de la pensée. Le mental subjectif est un processus subtil de communication interdimensionnelle inconsciente. Une fois libéré, il permet la compréhension de la vie, à titre de processus intégré. Il rend l'intangible et l'invisible concret, livrant les mystères aux pouvoirs investigateurs de l'intellect. En tant que réseau de communication infini se prolongeant au-delà de la vie physique, il constitue la clé absolue à la pleine compréhension des sciences de la vie. La notion d'une intelligence interdimensionnelle interagissant avec la conscience humaine est menaçante pour l'ego rationnel, ayant été instruit de manière à penser en termes de valeurs psychologiques, renforcées par le pouvoir des sens sur le mental pur. Par ailleurs, le mental, dans l'état actuel de l'évolution scientifique, demeure un mystère. L'intelligence prépersonnelle est tout aussi étrangère que les autres aspects du champ de force invisible agissant dans la réalité inconsciente physique. La pensée subjective demeure une faculté soutenue par les sens, réalité qui ne parvient pas à pénétrer les profondeurs du mystère de la conscience. Bien que nous comprenions, en termes scientifiques, le phénomène de la transmission électromagnétique, nous refusons de constater les psychodynamiques de l'énergie de la pensée circulant depuis les hautes jusqu'aux basses dimensions de la réalité de l'univers. La conscience subjective repose, en grande partie, sur la mémoire de la race. La fonction psychologique de la pensée, ainsi fondée sur la mémoire, ne peut être élargie à une fonction purement créative que lorsque les mécanismes du mental sont compris au-delà des limites de la mémoire et d'un cadre psychologique orienté par les sens. L'intelligence prépersonnelle interagissant avec la conscience humaine est la clé fondamentale de la compréhension du mental. De ce fait, elle doit être développée et intégrée au moyen d'une forme de connaissance qui n'est plus assujettie aux limites rationnelles de l'ego. Ce dernier, ayant la fonction de réfléchir la conscience, ne peut transformer, de lui-même, sa propre programmation ou mémoire, sans qu'il soit mis en contact avec la pensée non conditionnée. Sans l'élévation de la conscience au-delà de la perception égoïque, le mental supérieur ne peut être actualisé et demeure latent. Il est difficile de contempler la réalité de l'intelligence interdimensionnelle s'entretenant avec la conscience humaine, compte tenu du fait que nous dépendons de la mémoire humaine pour cautionner notre libre arbitre. Dans l'effort de comprendre la réalité, la conscience égocentrique traite avec des concepts sanctionnés par la société, plutôt que de communiquer du dedans, de sorte à détourner ses notions et ses illusions subjectives. L'intelligence interdimensionnelle a un effet décisif sur tout concept entravant l'évolution. L'ego accepte difficilement les conséquences psychiques d'un lien télépathique avec des intelligences d'un autre monde, agissant à travers l'expérience mentale humaine. L'intelligence égocentrique ne peut comprendre et faire l'expérience d'une expression mentale sur de multiples niveaux. Elle est confinée au psychomémoriel et n'a que peu, voire aucun accès à d'autres niveaux de pensée qui révéleraient instantanément que les idées subjectives n'existent qu'en vertu de leur besoin d'assurer l'équilibre du champ de conscience, sans quoi l'ego s'effondrerait sous le poids de l'évidence qui n'est pas celle dans le processus évolutif du mental. La réalité de l'intelligence doit être intégrée à travers l'évolution personnelle et le développement interne, afin que la conscience soit libre de tout conditionnement mémoriel. La science moderne s'avise désormais à surmonter les apparences, mais elle ne parvient toujours pas à déceler la nature essentielle du mental. En vertu de l'égocentricité, la pensée scientifique sert d'outil à l'investigation de ce qui ne constitue pas une menace au statu quo de l'intellect. La science physique prédétermine donc ses propres limites psychiques. Le mental n'a rien en commun avec la physique, mais la physique a beaucoup en commun avec le mental. Les concepts sont, et ne demeureront toujours que des outils créés par le mental pour la compréhension éventuelle de la relativité absolue du continuum physique et psychique. Les savants de la physique guettent l'avancée scientifique qui leur permettrait d'expliquer le mental selon leurs termes, d'où la fascination pour l'intelligence artificielle. Cette démarche en soi ne devrait guère être dépréciée. Elle donne lieu à une percée fascinante dans l'étude et l'application des lois électroniques de la transmission, de l'accélération et de l'analyse de l'information. Cependant, l'objectif en soi atteste la nature ignorante du mental égocentrique, lorsqu'il traite avec la réalité physique et non physique de manière partagée. À force de chercher à comprendre davantage la nature des choses, la science sera confrontée à la discontinuité absolue de l'univers physique et psychique. Ce dernier ne peut être compris qu'à travers un contact télépathique direct avec des niveaux mentaux supérieurs. Le mental ne connaît aucune limite, hormis celles qui le dominent à travers les conditions culturelles. Si nous refusons, pour quelque raison, de nous entretenir mentalement avec de plus hauts niveaux de pensée consciente en raison de nos restrictions psychologiques, la quête d'une parfaite compréhension demeurera un jeu d'esprit qui ne peut être remporté. Le mental peut engendrer plusieurs probabilités avant qu'il ne dévoile sa réalité. Il a accès à des niveaux d'information pouvant nous libérer de recherches sans fin et nous permettre de comprendre pleinement notre relation avec l'intelligence infinie. Ceci appartient à son pouvoir dynamique, au-delà des dimensions physiques de la conscience. Nul ne peut s'élever sans se libérer de ce qui le retient. De même, le mental ne pourra approfondir l'intelligence humaine sans que nous voulions et puissions réaliser que notre appareil biologique, le cerveau, n'est pas l'origine de la pensée. Chapitre 3. L'infatuation psychique. L'infatuation psychique entraîne une dépendance indue ainsi que la croyance à l'endroit de l'information interdimensionnelle, ce qui influe sur le discernement rationnel à travers des notions s'appuyant fortement sur une interprétation suprasensible des événements au profit de celle-ci. Elle se développe par l'ouverture de la psyché, dès lors que se perçoit le contact avec des niveaux prépersonnels de la pensée. L'harmonisation de l'énergie de l'âme avec des intelligences désincarnées ayant accès à la psyché, mais ne partageant pas l'expérience humaine de l'âme, donne lieu à une dégénérescence en proie à la naïveté, dans la mesure où le mental n'a pas encore appris à intégrer les facettes de la connaissance suprarationnelle. La mémoire intellectuelle se voit secouée par la rencontre, ou le contact, avec des réalités alternatives, donnant lieu à une infatuation psychique temporaire ou à long terme. Alors que l'attention mentale se replie sur elle-même, en vertu de la réception accrue de données paranormales, l'ego subit une transformation profonde et souvent permanente de la personnalité. Ce dernier éprouve un lien avec les aspects suprarationnels du mental, amplifié par la conscience accrue de la proximité d'autres plans. L'ego fait alors l'économie d'une autre dimension, dont les lois internes demandent à être intégrées, ce qui met un terme à son implication avec la seule réalité physique. L'infatuation psychique est la conséquence inéluctable d'un processus de croissance naissant qui entraîne une prise de conscience interdimensionnelle. Les habitudes égocentriques mécaniques et inconscientes sont graduellement court-circuitées alors que l'ego se voit relié à une source alternative dont les conditions internes ne pourront être objectivement comprises qu'au gré du temps et de l'expérience. L'infatuation psychique est causée par le passage du mode rationnel à un mode psychique suractivé. L'ego est pris de court par ce nouvel état d'esprit, se voyant projeté au-delà des limites de son expérience antérieure par sa relation avec une source de savoir et de vie. La réalisation de ce lien contraint l'ego à adhérer à un nouveau système de savoir interne qui, en temps et lieu, devra être ajusté afin qu'une identité objective soit atteinte. La réalité psychique l'emporte, en termes absolus, sur les notions présumées du mental intellectuel. Par le fait d'enseigner depuis son point d'observation, elle devient non seulement une source abondante d'informations communiquées par voie télépathique, mais également un puissant champ de force interne qui objective et révèle la relation psychique entre le mental inconscient et les plans subtils de l'intelligence. Sa présence renforcée au sein du champ de conscience amoindrit graduellement l'importance de l'intellect à titre de seul siège de la raison intelligente. Selon la nature de sa source et du degré d'évolution de l'âme, elle suscite, de manière imperceptible, un survol de la réalité pouvant être conforme ou non au meilleur jugement de l'ego. La réalité psychique tente de consolider la compréhension interne de dilemmes psychologiques, mais encore, elle peut fomenter de subtiles illusions susceptibles de mener à l'infatuation de l'ego naïf et inconscient en cas de certitude. Le mental peut informer l'ego, bien au-delà des limites intellectuelles de ce dernier. C'est là une notion difficile pour toute personne ayant été formée à penser en termes de vérités autoconditionnées et aspirant, à la fois, à développer et sécuriser une identité commode, bien que fictive. Sont ainsi exposés les fondements de l'infatuation psychique qui suscite dans l'ego le profond besoin de croire en ce qui transparaît de son contact avec les plans interdimensionnels. La connaissance subjective et la vérité sont conditionnées par des pensées n'étant en rien apparentées à la pensée consciente créative. La moindre impression créée par le mental psychique, à l'essor de son contact avec l'ego, influence ce dernier en faveur de l'acceptation naïve ainsi que de la croyance, condition déjà propice à l'infatuation psychique. Bien qu'il semble d'emblée rassurer l'ego, il compromet, en fait, sa conception du libre arbitre et de tout équilibre. Cet état de confiance naïve est l'œuvre de l'intelligence prépersonnelle. La communication interdimensionnelle active la psyché, engendrant une conscience alternative sans pour autant que sa source n'ait été pleinement identifiée. Faisant l'expérience d'un état intérieur qui témoigne de la présence de forces actives, l'ego peut soit mûrir au gré de sa capacité croissante à traiter objectivement avec la présence intérieure, ou succomber au leurre d'une infatuation psychique qui détournera son attention, d'une approche raisonnée à une approche plus psychique de la vie. La prise de conscience, élevée à un niveau interdimensionnel, affecte profondément le processus inconscient de la pensée mécanique qui subsiste, de tout temps, en vertu d'un régime d'idées archaïques et conditionné par la société. Lorsque le processus subjectif interagit avec des modes de pensée prépersonnels, l'ego se voit pris de court. Ses opinions endurcies se font toujours moins probantes, selon les prémices psychologiques subjectives qui, par le passé, exercèrent un effet réfractaire à l'encontre de l'impact de données supramentales. À ce point, l'infatuation peut se révéler le symptôme d'un besoin grandissant d'obtenir une assurance infaillible, voire absolue, véritable danger que pose l'éveil de la prise de conscience psychique. Le degré d'infatuation psychique dépend de la constitution intrinsèque de l'individu, composée d'attitudes et d'émotions. La communication interne est perçue d'emblée comme un soulagement quant au vieil ordre mental qui apportait une fausse sécurité à l'ego dans la phase antérieure de sa vie intellectuelle. La nouvelle communication objective sa réalité, ébranle les fondements de la personnalité et affaiblit ses mécanismes psychologiques de défense. La confusion de l'ego, ou la certitude naïve ne seront dissipées qu'au terme du long processus d'une expérience mentale finement ajustée, de même que la notion selon laquelle la normalité convenable en société est nécessairement conforme à un réel équilibre psychologique et psychique. Il devient possible de surmonter l'infatuation psychique lorsque, et si l'ego traite la nouvelle expérience de manière à ce que sa réalité ne soit pas colorée par la manipulation astrale de la pensée et des émotions. Le défaut de compréhension de la nature de la psyché, par-delà le voile de la raison, entrave la prise de conscience objective. C'est là où l'ego peine à se dépasser et à se dessaisir des illusions qui font obstacle à l'individualisation. Il demeure enchaîné à une fausse liberté pouvant facilement devenir un mécanisme échappatoire que l'on qualifie d'infatuation. Le mécanisme interne de l'infatuation psychique doit être compris afin que les individus sensibles puissent bénéficier du contact avec la réalité interdimensionnelle et s'y identifier. La sensibilité est un grand atout. Elle peut également s'avérer un tourment dans un monde en voie de se transformer en champ de combat pour la survie psychologique et l'équilibre psychique. Notre vision matérialiste de l'univers entrave la réalisation consciente de notre contact supraliminaire avec le monde de l'au-delà, ou les influences immatérielles agissant sur la conscience. Nous avons été instruits à penser en termes d'idées pouvant être prouvées physiquement, et à la faveur de ce procédé intellectuel valable mais limité, nous avons perdu contact avec d'autres dimensions qui affectent la conscience humaine. L'étude des symptômes de l'infatuation psychique ne suffit pas à libérer l'individu du trouble interne qui afflige son âme. Les causes premières doivent être mises en lumière, ce que la psychologie mécaniste ne peut jamais réaliser, au-delà d'un certain point. Comment dire à un fanatique religieux que ses messages ne proviennent pas de Dieu? L'infatuation psychique est difficile à éradiquer à la source avant que ses mécanismes internes n'aient été compris. Sombre distorsion du mental. L'infatuation psychique révèle l'incapacité qu'éprouve l'ego à s'ajuster consciemment à de nouveaux niveaux de pensée qui pénètrent la psyché lors de sa canalisation interdimensionnelle. Elle résulte naturellement de l'effet de nouvelles forces agissant sur le mental. Dans la mesure où la pensée est un processus informatif, qu'il soit conscient ou inconscient, elle est sujette à de l'interférence psychique alors qu'elle relie l'ego à un niveau subliminal d'expérience de l'intelligence. L'infatuation psychique incontrôlée mène à de subtiles formes de désinformation interne pouvant poser une menace à l'équilibre de la psyché. Lorsque le processus de la pensée s'élève au-delà du niveau personnel, l'ego a besoin de temps pour s'ajuster aux niveaux émergents d'énergie de la pensée. La prise de conscience des plans supérieurs introduit de nouvelles dynamiques, exerçant une pression sur le mental naïf, qui doit être vécu et confronté. Laissé à soi-même, cette force susciterait d'emblée l'infatuation psychique. Seul par sa mise en examen, le potentiel psychique et psychologique de l'individu peut-il s'unifier en créativité, au-delà de tout niveau ayant été vécu antérieurement à la croissance mentale émergente. Lorsque l'ego entame un processus de développement interne, à travers l'évolution d'une expérience interdimensionnelle, il perd une quantité considérable d'énergie à évaluer les nouveaux paramètres auxquels il se voit exposé. Les idées conditionnées de la mémoire subjective perdent graduellement leur emprise sur le moi, et l'importance de la mémoire inconsciente et mécanique se voit diminuée proportionnellement à la force pénétrante d'un nouveau savoir. L'incapacité de traiter toute forme qui soit d'information psychique avec légèreté et bon sens contraint l'ego à faire face à des faits relevant d'un ordre pour lequel il n'a pas été préparé et dont il voudra, d'emblée, croire fermement à la validité. L'infatuation psychique est une condition mentale qui révèle l'incapacité qu'éprouve l'ego à voir au-delà de la perturbation temporaire du processus mécanique mental, alors qu'il se voit substitué par une nouvelle créativité. Le prix que réclame ce changement n'est pas, de prime abord, d'une évidence claire. Ce n'est que rétrospectivement que l'individu peut comprendre que son infatuation provenait d'un état d'esprit naïf, inconscient du processus difficile de l'individualisation et de l'intégration de ses énergies, autant de l'âme que de l'esprit. La psyché peut subir des ajustements mentaux profonds et complexes. Que l'homme en soit conscient ou non, des forces intelligentes agissent en lui. L'atteinte d'un certain niveau d'évolution spirituelle accroît l'intensité de l'ajustement qui devient alors un aspect conscient du développement interne. L'ajustement de la psyché est la cause première de l'infatuation psychique. Celle-ci est l'inéluctable résultante de l'effet saturant de forces psychiques qui pénètrent les limites inférieures de la conscience humaine, ainsi que de l'incapacité qu'éprouve l'ego naïf à traiter avec elle de manière intelligente. La qualité première de la nouvelle conscience évolutionnaire est la compréhension de la relative influence psychique des plans, soit de l'âme astrale ou de l'esprit mental. Faute de cette compréhension, la dynamique psychologique nuit au plein développement. Dans l'avenir, la compréhension du mécanisme de la conscience libérera l'ego de sa programmation astrale. L'appui réconfortant de son énergie créative, cadre référentiel absolu relié au double, ou la force de l'esprit, rend possible l'intégration de l'identité, ou de la fusion, au cours de ce cycle de vie. Une structure mentale psychique plus objective, n'étant plus colorée par les idées subjectives et astralisées qui constituent les assises de l'infatuation psychique, se développera dès lors en une pensée pleinement consciente. La conscience supramentale est la prochaine phase du développement évolutif de l'intelligence civilisée. Elle implique une fusion qui objectivera, concrétisera et personnalisera le lien psychique entre le plan physique et d'autres plans de réalité, dont l'existence demeure un facteur inconnu dans toute l'équation de la vie. Le lien absolu du mental avec les plans parallèles sera vécu lorsque la psyché, franchissant le seuil de la conscience, sera prête et en mesure d'en supporter le choc. La pénétration du seuil mental subjectif par les forces psychiques suscite d'emblée une fausse plénitude, donnant lieu à une infatuation débridée jusqu'à ce que l'expérience et une plus ample compréhension aient enrichi la vie interne. L'ego subit une forte dualité lorsqu'un nouvel ordre mental se manifeste en lui. Sa vaste réserve mémorielle subjective est conditionnée, colore la nouvelle expérience et la maintient dans un champ de force astrale, donnant lieu à des attitudes égoïques correspondant au degré d'ignorance et d'illusions subliminales spirituelles qui sont légion. Alors que le mental supérieur explore son lien imminent avec la psyché, l'ego devient conscient d'un droit inaliénable et d'une capacité de connaître et de comprendre ce qui constitue les soubassements de la psyché et le mystère intrinsèque de l'être. Il est alors témoin du terme d'un état d'esprit archaïque, alors qu'un nouveau processus mental l'entraîne au-delà des frontières de ses limites antérieures. S'imprégnant du sens profond de sa nouvelle expérience, le mental subconscient commence à émettre ses propres signaux, signifiant la présence de forces enfouies qui présagent une nouvelle vie mentale, en marge des modes de pensée rigides, linéaires et rationnels. Dès lors, La psyché anticipe dans ses fondements ce qui échappe encore à l'ego. La rencontre avec une autre dimension du mental, par voie de la connexion psychique avec une source de pensée supramentale. L'ego s'est vu conforté par des idées conditionnées par la société et n'étant que peu apparenté à la puissance du mental dans son ensemble. À titre de puissance, ou processus créatif intégral, le mental possède l'immense capacité de faire naître le savoir objectif, libérant ainsi l'ego de modèles historiques relatifs qui tiennent de son développement antérieur, mais qui furent insuffisants à l'évolution de la nature supramentale des facultés précognitives de l'homme. Demeurant sous l'ombrelle d'un système de croyances subjectives ou sociales, l'ego ne peut accéder à un savoir fondamental et créatif. La liberté intérieure est incomprise et la capacité d'accéder à de l'information par soi-même, à partir d'un point d'observation correspondant à une réalité multidimensionnelle dont il fait partie en termes absolus, lui fait défaut. L'expérience mentale interdimensionnelle est un niveau d'intelligence propre qui ne peut croître que suite à un redressement des habitudes inconscientes de la pensée, fondées sur des valeurs conditionnées par la race et qui par conséquent ne sont guère globales. L'intelligence objective et créative ne peut naître au niveau de l'ego. La pensée créative pure tire son origine de plans qui n'ont rien en commun avec les forces karmiques ou mémorielles de l'âme. À titre de champ intérieur, l'âme ne peut éclairer le processus de la pensée. Il n'appartient pas à son expérience de transmettre des pensées non karmiques par la voie de la psyché, car elles perturbent le champ d'énergie de celle-ci, de par leur nature. En tant que mémoire globale et parfaite, l'âme doit être unifiée à l'esprit, ou le double, afin que soit rompu le lien karmique humain avec les forces astrales qu'elle canalise lorsque l'ego est aligné selon un parcours de probabilité d'expérience qui ne dépend guère de sa volonté. Ceci ne peut avoir lieu que lorsque l'ego éprouve une liberté intérieure en matière de pensée, correspondant à une conscience évolutionnaire en pleine possession de ses moyens créatifs. Notre compréhension du mental se limite à des points de vue culturels déterminés selon des perceptions et des impressions. Dans la mesure où le système de la pensée ne conçoit pas la réalité comme un champ de force, la pensée est perçue comme une toile de ligne de force inconsciente se conformant au malaise de l'âme aux dépens de l'ego. La vie inconsciente étant née de la programmation astrale limitée par celle-ci, l'homme vieillit malgré lui, incapable de récupérer toutes ses ressources intérieures. Alors que l'énergie du mental supérieur éveille la conscience, l'ego connaît une certaine infatuation causée par des impressions astrales qui constituent le noyau de la mémoire karmique de l'âme. L'ego est asservi à ses forces de l'âme, et jusqu'à ce qu'il apprenne à les intégrer. Le choc du mental supérieur constitue une mesure de ses forces prédominantes. Le contact initial avec la pensée interdimensionnelle, ou la communication psychique, procure un boom temporaire à l'ego affligé. Cependant, ceux qui en auront fait l'expérience témoigneront de ce fait que le premier réflexe de l'ego est la peur de l'inconnu. L'élan de la conscience vers des niveaux de pensée supérieure transformant l'être inconscient de grandes quantités d'énergie ayant servi, par le passé, à ériger un bouclier protecteur à l'encontre des profondeurs du savoir, qui ne peuvent être atteintes par la seule logique. Le mental inconscient appartient à un passé historique qui prive l'ego de l'exploration de la pensée consciente. L'infatuation psychique indique la difficulté qu'éprouve l'ego à traiter avec les limites extrêmes de la conscience qui s'étendent au-delà du corps subjectif de la pensée. Le mental conditionné ne tend qu'à absorber ce qui réside à l'intérieur des confins possibles du connu. L'inconnu perturbe son champ mémoriel et accroît la tension psychique qui, à son tour, mène à l'infatuation psychique, ceci en raison du besoin insatiable qu'éprouve l'ego de croire, ne pouvant connaître ce qui se dresse au-delà de ses limites subjectives. L'infatuation psychique donne lieu à une fausse confiance. Un redressement s'opère lorsque l'individu reconnaît le besoin profond de traiter intelligemment avec des forces croissant en lui. Il réalise alors que leur intégration pose la condition fondamentale au plein développement de la fusion de l'âme et de l'esprit. Il devient d'autant plus clair que l'infatuation n'était, à l'origine, que le résultat d'un profond besoin interne de croire en une réalité concrète qui n'avait pas été intégrée. Alors que la psyché ouvre la voie à des réalités alternatives, la pensée, pour sa part, oscille de part et d'autre, d'un niveau personnel à un niveau prépersonnel, ce qui accroît l'étendue du champ interne du savoir. La mesure est proportionnelle à l'intensité du choc qui résulte de la pénétration de formes pensées non égoïques dans le champ densifié de la conscience de soi conditionnée. Alors que la pensée interdimensionnelle, ou transmise par télépathie, traverse le mental depuis les plans, ou monde supérieur, une profonde transformation de l'être et de sa personnalité fictive s'ensuit. La prise de conscience psychique et l'identité propre se développent jusqu'à ce qu'ils se soient consolidés en permanence. Le mental défie toujours le statu quo lorsqu'il est porteur de l'entendement de réalités alternatives. Et chaque vie humaine concourt à son propre progrès alors que la pensée émane de sphères psychiques, dans le but universel de s'amalgamer à la conscience humaine. Chapitre 4. Élai séduction psychique. Les sciences psychiques suscitent un intérêt grandissant au sein des pays industrialisés. Elles sont d'autant plus répandues que des individus issus de tous les milieux se laissent captiver par des formes de connaissances et d'expériences souvent nébuleuses. Alors que la majorité s'avère peu avisée des risques sous-jacents, d'autres bénéficient d'une part appréciable de facultés critiques à l'encontre de présumées vérités proclamées de ceux qui se disent maîtres en la matière. Il ne convient guère d'aborder les sciences psychiques par simple curiosité ou par naïve quête spirituelle. Au cours de l'histoire, elles ont été ternies par la quête du pouvoir sous toutes ses formes, et par ce fait même, sont intimement associées à des forces psychiques désincarnées, tenues entièrement à l'écart de la source de lumière de l'intelligence créative humaine. La source des sciences occultes, pour la plus grande part, se conforme aux lois de l'astral, ou du monde de l'homme qui est, de par sa nature, gouvernée et régie de manière à être anti-homme et anti-vie. De même que nous sommes confinés aux limites de la gravité, les forces ou entités évoluant sur le plan astral sont pour leur part dominées par des lois qu'elles ne peuvent transgresser. Il n'est surtout pas dans leur intérêt, et ne le fut jamais, de révéler la nature de leur activité subliminale ou leur lien occulte avec l'humanité, exercé par le biais d'un lien psychique conscient ou inconscient. S'il en eût été autrement, l'évolution planétaire aurait progressé fort plus rapidement et aurait été épargnée des ravages de l'ignorance. Jusqu'à l'aube des sciences modernes, le contact aveugle avec ces plans assuma toujours un rôle important dans le développement et le soutien de mythes et de superstitions, socle culturel et spirituel des civilisations involutives, qui furent utilisés sans retenue et manipulés par les pouvoirs temporels et spirituels, aux dépens de l'intelligence de la conscience. Les influences psychiques doivent être démasquées et l'étude des sciences occultes mise en lumière à sa juste mesure, afin que s'éveillent les consciences. Le développement d'une solide maturité interne et d'un esprit critique sont nécessaires à la prévention de conséquences néfastes au cours de la vie. Les entités astrales se meuvent et évoluent sur des plans d'énergie reliés au plan astral humain par le biais de formes de médiumnité tant révélées que dissimulées. La psychologie classique ne se soucie guère des cas difficiles et subtils de domination astrale, et l'individu en quête de soi, de façon générale, demeure un être trop naïf et animé d'une spiritualité dépourvue d'intelligence pour pouvoir traiter objectivement avec des forces insidieuses, susceptibles de manipuler le mental à un point qui dépasse l'imagination. La désorientation psychique s'accroît dans un monde où les forces sociales réduisent la vie à une quête acharnée du succès inconditionnel. Les personnes s'interrogeant sur la valeur de la vie, par la voie d'une recherche intérieure ou de l'expérience, se doivent de procéder par une étude intelligente et par une prudente évaluation.